Chapitre 40e. Je n'entendis plus rien, parce que le cocher qui avait ses ordres partit plus prompt que l'éclair. Il me reconduisit jusqu'à Fontainebleau, où je pris la poste. À peine était-il 4 heures du soir quand je rentrai dans Paris. Profitant de quelques moments de liberté, je quittai mes habits de femme et j'allai chez Rosenbert. Je le trouvai beaucoup mieux. Il pouvait déjà, sans le secours de personne, se promener dans son appartement et même faire plusieurs fois le tour de son jardin. Le comte commença par m'accabler de reproches. Je lui représentai que tous les matins régulièrement, on était venu chez lui de ma part. « Mais vous aviez promis de venir vous-même. Mon père ne m'a pas quitté. Cela ne vous a point empêché d'aller ailleurs. Au reste, je conviens que la petite comtesse mérite la préférence. »« La petite comtesse. Madame de Lignol, oui. » »« Ne vous ai-je pas dit désormais que désormais toute femme qui vous aurait serait une femme affichée ?» Je suis vraiment charmé que la marquise ait une rivale digne d'elle. Comme on dit la comtesse adorable. Malheureusement, c'est encore une enfant sans usage, sans art, sans méchanceté. La marquise l'écrasera dès que... À propos, je vous fais mon compliment. Vous êtes infiniment bien avec M. de B. D'abord, tout Paris l'a vu riant à vos côtés le jour de votre apothéose. Et puis l'excellent mari ne cache à personne que vous êtes un charmant garçon. Et de peur que la chose ne paraisse pas encore assez comique, il dit à quiconque veut l'entendre que c'est moi qui suis un indigne homme. Il m'en veut. On assure qu'il m'en veut beaucoup. C'est peut-être encore un duel qui me revient. Mais vous en savez quelque chose, chevalier? Le marquis vous a longuement parlé. Oh, le marquis m'en a tant dit de toutes les manières. Mais encore, allons, Faublas, contez-moi cela, du moins. J'ai besoin de rire. Et vous devez tout essayer pour amuser un ami convalescent. « Ma foi, non. » Je finis par me prêter de bonne grâce à sa gaieté, mais sa curiosité n'eut pas lieu d'être satisfaite. Mon père ne revint à l'hôtel que 2 heures après moi. Mon père me fit entendre qu'il était fâché de m'avoir laissé seul toute la journée. Je lui représentai respectueusement qu'il serait trop bon de se gêner pour son fils. Il me demanda comment j'avais passé la nuit. Alors, ô douleur, mon père m'annonça que pendant 15 jours il ne me quitterait pas. Et il le fit, sans me laisser un seul moment de liberté. Ainsi, près de 15 jours s'écoulèrent, pendant lesquels nous n'eûmes, mon Éléonore et moi, d'autres consolations que d'envoyer souvent Jasmin chez la fleur et la fleur chez Jasmin savoir de ses nouvelles. Pendant cette quinzaine fatale, je n'entendis pas parler de Madame de B. Il ne me vint de province aucun renseignement qui pût me donner l'espérance que la nouvelle prison de Sophie serait bientôt découverte. Ainsi délaissé de tous les grands intérêts de ma vie, je n'avais plus que de tristes jours et de longues nuits. Enfin, Madame de Fontrose invita le père et le fils à venir ensemble dîner chez elle. À 7 heures précise du soir, je quittai, sous quelque prétexte, le salon de la baronne et m'en allai, par des détours qui m'étaient connus, gagner son boudoir dont la comtesse m'ouvrit la porte. Hélas! Après de grands débats, il avait été décidé la veille que je resterais seulement 20 minutes avec mon ami. Je ne passais la permission que d'un quart d'heure. Aussi, je n'eus qu'à peine le temps de l'admirer, de l'embrasser, de lui dire un mot, de lui dire que chaque jour elle me devenait plus chère, qu'elle me paraissait chaque jour plus jolie. Aussi, elle eut à peine le temps de me jurer que, dans mon absence, elle ne vivait pas, que sa tendresse était encore augmentée, que son amour irait ainsi toujours croissant jusqu'au dernier jour de sa vie. On disputait au salon quand j'y rentrais. La contestation cessa dès que je parus. Apparemment que la baronne, cherchant quelque moyen d'occuper M. de Bellecour, assez pour qu'il ne s'aperçût point de ma trop longue absence, n'en avait pas trouvé de meilleur que de lui faire une bonne querelle. L'heureux tête-à-tête que je venais d'obtenir ne fit que m'inspirer le désir plus vif de m'en procurer un moins court, malgré l'attente d'Éléonore et mon père ensemble conjurés. Au milieu de la nuit suivante, rêvant à cela, je conçus un hardi projet qui le lendemain matin fut approuvé de la baronne et reçut à la fin du même jour son entière exécution. En m'éveillant, je m'étais par précaution muni d'une forte migraine. À dîner, je m'en plaignais encore beaucoup, et le soir enfin, elle me causa des douleurs si fortes que M. de Bellecour lui-même me conseilla de me coucher. Mon père, dès qu'il me vit endormi, s'en alla, et dès qu'il fut parti, je ne dormis plus. Un coiffeur adroit fut aussitôt, grâce à mon intelligent domestique, mystérieusement introduit dans ma chambre. Grâce à mon adresse et grâce encore à Jasmin, ma femme de chambre, j'habillais fort passablement de la tête aux pieds Mademoiselle de Brumont, qu'un Suisse très inattentif ou très discret ne vit pas sortir, et qu'un malhonnête fiacre conduisit aussitôt chez Madame de Fontrose. Peu s'en fallait qu'il ne fût minuit. Nous avions jugé convenable de ne point aller plus tôt chez la comtesse, de peur que la marquise ne fût pas encore retirée dans son appartement. Ainsi, Madame de Fontrose, arrivant avec moi chez Monsieur de Lignol, eut-elle l'attention de ne point souffrir que son carreau s'entrât dans la cour de l'hôtel, parce qu'il ne fallait troubler le sommeil de personne. Il n'y avait plus chez la comtesse que ses femmes. La comtesse aussitôt renvoya ses femmes, et dès que nous fûmes seuls, elle se jeta dans mes bras, elle paya 200 caresses mon heureux stratagème. « Ami, dit-elle, j'ai formé le meilleur, le plus charmant des projets. Nous pourrons vivre et mourir ensemble. Je ne ferai qu'une malle de mes hardes les plus nécessaires. J'emporterai mes bijoux seulement. Je ne veux pas que M. de Lignol ait à se plaindre d'avoir souffert de nous le moindre tort. Nous sortirons de France. Nous nous arrêterons où tu voudras. Tout pays me semblera beau puisque tu seras avec moi. Mes diamants valent bien 30 000 écus. Nous les vendrons, nous achèterons dans une jolie campagne, non pas un château, ni même une maison, une cabane, Faublas, une cabane petite et gentille. Qu'il y ait seulement de quoi loger une personne, car nous ne serons qu'un. Comme tu dis, ma charmante amie, nous ne serons qu'un. Il ne nous faut pas 2 pièces pour coucher. Est-ce que nous ferons 2 lits, Faublas? Oh non, pas 2 lits. Par exemple, le jardin sera grand. Nous le ferons cultiver. Tiens, nous marierons à quelque jolie paysanne, un paysan bien pauvre, mais qui l'aimera. Nous leur donnerons notre jardin. Ils le cultiveront pour eux, et ils nous laisseront bien prendre ce qu'il faudra pour notre nourriture. Nous n'aurons pas besoin de grand-chose. Toi et moi, nous ne mangeons que pour vivre. À propos, je ne compte pas avoir de femme de chambre. Quelqu'un serait là quand je voudrais te dire « je t'aime ». Cela me gênerait beaucoup. Quant à ma parure, ai-je donc besoin du secours de quelqu'un? Ne verrai-je pas bien comment il faudra m'arranger pour te plaire? Ah, de toutes les manières, tu me plairas. Ta sœur pourra venir aussi. Nous la marierons à quelque bon laboureur, à quelque honnête homme, qui n'épousera pas son bien, mais sa personne, et qui la rendra plus heureuse. Pourquoi ce silence, Faublas? Pourquoi ces larmes? Mon ami, tu me vois pénétré de reconnaissance. Tant de preuves de ton amour si tendre augmenteraient le mien s'il pouvait augmenter. Mais en y réfléchissant davantage, je suis obligé de me l'avouer et de t'en avertir. Il est impossible de l'exécuter, ce projet. Impossible, la raison? Il y en a malheureusement plusieurs. J'en connais une, ingrat, votre amour pour Sophie. Je ne parle point de ma femme. Éléonore, et notre enfant? Notre enfant, notre enfant. Il a raison, s'écria-t-elle avec désespoir. Il a raison. Quel parti prendre? Un parti cruel autant que nécessaire, mon ami, ma trop malheureuse amie. Te souviens-tu de ce que ta tante te proposait l'autre jour? Et vous aussi, Faublas, vous me donnez cet horrible conseil? C'est mon amant qui m'invite à me jeter dans les bras d'un homme. Éléonore, il ne me paraît pas moins pénible qu'à toi, ce sacrifice. Il est affreux. Affreux? Plus affreux que la mort. Éléonore, et notre enfant? Suffoquée par ses sanglots, elle ne put me répondre. Il me parut que le moment était venu de lui détailler avec force la foule des raisons qui devaient la convaincre et la déterminer. Tout cela peut-être, me dit-elle enfin. Mais comment ferez-vous que M. Lignol puisse jamais... Mon ami, tu ne lui as laissé qu'un instant pour cette épreuve, peut-être qu'en lui donnant une nuit tout entière. Une nuit tout entière? Un siècle de tourments! Et comme la première fois, il me faudra donc aller lui dire que je le veux? Gardons-nous-en bien. Tes fréquentes migraines, tes maux de cœur et beaucoup d'autres indispositions doivent causer déjà quelques inquiétudes à M. de Lignol. Si tu t'avisais de lui donner de pareils ordres après 6 mois de silence, ton mari pourrait concevoir de terribles soupçons. Nous n'avons d'autre moyen que d'avertir un médecin discret, adroit, complaisant. Un médecin qui vienne examiner la prétendue maladie et qui t'ordonne le mariage. Où trouver l'homme dont vous me parlez? Partout. Nos docteurs sont gens d'honneur, accoutumés à garder le secret des familles, à maintenir dans les ménages la paix et... C'est-à-dire que j'irai confier à un étranger... Un étranger! En effet, je ne vois pas la nécessité. Un ami peut... Tiens, je me charge d'amener le médecin. Tes pleurs recommencent, mon Éléonore. Ah, comme le tien, mon cœur est déchiré. Je vais m'immoler, dit-elle en sanglotant, et je lui deviendrai moins cher. Je ne serai plus sa femme, je serai seulement sa maîtresse. » Je parvins à calmer son inquiétude, mais je fis de vains efforts pour la consoler du malheur qui la menaçait. Elle pleura dans mes bras jusqu'à 4 heures du matin. Alors, comme il fallait que je la quittasse, nous convînmes que dans la journée du surlendemain, je lui amènerais le médecin et que la nuit d'après verrait le sacrifice douloureux s'accomplir. À peine étais-je rentré chez moi que mon bonheur m'amena M. de Rosembert. Mon père, qui n'avait pas vu le comte depuis son malheureux combat de la porte Maillot, le combla d'honnêteté. Cependant, le baron finit par descendre chez lui. Resté seul avec moi, Rosembert recommença ses plaintes. « C'était bien votre parole d'honneur que vous m'aviez donnée, et pourtant 15 jours se sont écoulés. Vous le voyez, mon père ne me quitte pas. Je pourrais aller chez vous, mais avec lui. Cela me procurait du moins le plaisir de vous voir. Tenez, Rosembert, trêve de politesse. » Je ne lui cachais de mes aventures avec Madame de Lignolles que celle où Madame de B se trouvait mêlée. Je lui parlais beaucoup de la tante et de la nièce, et me gardais bien de lui dire un seul mot de la cousine. Mes récits ainsi tronqués lui fournirent encore un inépuisable sujet de plaisanterie, et quand sa gaieté se fut enfin suffisamment exercée, « Déjà, me dit-il, je me sens assez fort pour aller visiter de jolis malades. Il est d'ailleurs impossible de refuser une aussi joyeuse commission que celle dont Mademoiselle de Brumont m'honore. Demain, elle me trouvera chez la comtesse, prête à répondre à sa confiance. Demain, elle me rendra cette justice de convenir que le plus habile docteur n'eût pas pris de meilleures mesures que moi pour assurer à l'impotent M. de Lignolles les honneurs de la paternité. » Un moment après le départ de Rosembert, la baronne vint nous voir. Je fus d'abord surpris de l'entendre ainsi parler à M. de Bellecour. M. de Lignolles n'a point épousé sa femme. C'est un fait que personne n'ignore. Cependant, sa femme est enceinte, vous le savez, monsieur le baron. Car cet aveu, dont elle vous a tout à coup étonné, elle en eut incessamment avec la même franchise réjoui son mari, si Mme d'Armincourt ne s'y fût opposée. Il est maintenant question de sauver l'étourdi qu'on doit plaindre. Il n'y a pour cela qu'un moyen. C'est de faire en sorte que l'indigne époux consomme son mariage, ce qui n'est pas une chose facile. Mais quelque chose de plus difficile peut-être, c'est de déterminer Mme de Lignolles à le souffrir. Je ne vois dans le monde entier que le père de son enfant qui puisse amener la malheureuse mère à cette résolution, pour laquelle quiconque connaîtra l'amant et le mari sentira qu'il faut du courage. Un médecin doit être averti qui rendra l'arrêt conjugal. Le mari se l'entendra prononcer, la tante en pressera l'exécution. Tout est prêt pour demain. Tout va manquer si Mademoiselle de Brumont ne vient pas. Permettez donc, monsieur le baron, que dès le matin je vienne prendre ici votre fils déguisé pour le conduire chez Madame de Lignolles. Mademoiselle de Brumont y passera la journée, je vous la ramènerai le soir. Le lendemain, cependant, il faudra qu'elle y retourne encore un moment. La petite désolée aura besoin qu'un regard de son ami la console. Le lendemain, votre fils, je vous en donne ma parole, reviendra dîner avec vous. » Monsieur de Bellecour, plongé dans de sérieuses réflexions, garda quelque temps le silence. « Madame, dit-il enfin, me promettez-vous de ne pas quitter ce jeune homme un instant ?» Elle le promit. Il m'adressa la parole. « Mettez deux fois encore les habits de Mademoiselle de Brumont, mais songez qu'il vous faudra les quitter ensuite pour ne les reprendre jamais. » Il n'y avait pas un quart d'heure que Madame de Fontrose avait pris congé de nous lorsqu'il vint à M. de Bellecour une lettre de la petite poste. À sa lecture, le baron prit un air sombre, il donna même quelques signes d'impatience et s'écria plusieurs fois. « En effet, cela me paraît très vraisemblable. Une nouvelle fâcheuse, mon père ? Fâcheuse, oui, mon fils. Il n'est pas question de Sophie ? De Sophie, point du tout. Ni de ma sœur, ni de votre sœur. Adieu, monsieur. Monsieur, dormez bien cette nuit. » Quoique la dernière ait été bonne. Monsieur, reprenez demain votre déguisement perfide, et même après-demain matin. Je l'ai permis, mais que ce soit pour la dernière fois. Pour la dernière fois, comprenez-moi bien. »